je crois que vous leurrez sur la notion de refonder l'université, c'est de lui redonner une existence alors qu'elle est mise en voie d'extinction par contournement. Alors, moi, je peux vous parler de... Effectivement, j'ai été très frappé à la rentrée 2009 d'avoir entendu notre ministre à la télévision. Au moment où... Parce que quand elle a la formule, il faut remettre l'université au centre du système, c'est effectivement... une formule qu'elle a reprise au manifeste des refondateurs, puisqu'elle a immédiatement répondu dans la presse qu'elle était entièrement d'accord. Attendez, laissez-moi finir. Quand je l'ai entendu à l'automne 2009, pendant un quart d'heure, sur une chaîne de télévision, elle n'a prononcé le mot université qu'une fois pour dire une contre-vérité qui était... en plus, qui ne concernait pas finalement l'université, qui consistait à dire que si les étudiants n'utilisaient pas les classes populaires n'utilisaient pas les classes préparatoires, c'était parce que ils n'étaient pas sûrs d'avoir un diplôme. Je ne sais plus quelle était la formule, mais l'ensemble de son intervention visait uniquement. C'était au moment où on discutait des quotas. On a commencé à ces discussions sur les quotas de boursiers dans les grandes écoles. L'ensemble de son intervention visait à la démocratisation de l'accès des couches populaires dans le système des grandes écoles. Ce qui était quand même extraordinaire, puisque c'était un secteur dont elle n'avait pas la charge au moment de la rentrée universitaire. L'ensemble de son intervention portait là-dessus. Donc, qui est ce discours consistant à dire qu'il faut revaloriser l'université et le remettre au centre du système ? Sans doute. La réalité telle que nous la connaissons, c'est le contournement de l'université par l'ensemble du système des écoles, qui n'est pas celui des grandes écoles, qui est l'ensemble du système des écoles.